89.5 FM. Oh. Attention au triste retour de la nuit et du brouillard. L'histoire refait un tour, penchant vers le cauchemar. Dans leur palais de velours, ils piétinent les cafards. Car ils gagnent des milliards et on meurt sous leur regard. Chaque jour sera comme le premier mercredi du mois. Trois voies, croix de fer sur tous les territoires. Les riches et leur état-major lèvent au ciel leur bras droit. Sous chantage au nucléaire, à la conquête du pouvoir. Profitant que la menace n'est pas encore née. Tant qu'elle ne frappe pas à ta porte, tout se situe sous ton nez. Des magouilles politiques pour servir leurs intérêts. Du diable sans corne existe, ils se noient dans les billets. L'église ne leur est plus sainte, ils en écrasent les jacinthes. Une dernière étreinte, car les temps filent dans la crainte. Dans les tombeaux de notre monde, c'est la paix qui s'est éteinte. La vie n'est plus que des fins, suicide à l'injection d'absinthe. C'est la fée verte des boulevards, elle rend fou et criminelle. Comme des bêtes menaçant l'avenir de notre temps. C'est la fée verte des barbares, pour qui la vie est éternelle. Dieu du mal tout puissant, dans un monde d'or et de sang. C'est la fée verte des boulevards, elle rend fou et criminelle. Comme des bêtes menaçant l'avenir de notre temps. C'est la fée verte des barbares, pour qui la vie est éternelle. Dieu du mal tout puissant, dans un monde d'or et de sang. À nos frères, à nos sœurs, aux enfants de nos peurs, protège-toi de l'horreur, Strayer, c'est valeur. Pétricant l'odeur de la pluie sur les corps, tu meurs. À genoux, c'est la famine, c'est la misère. Aux tendances tortionnaires, nos semblables sont le cancer. Des épines sanglantes dans les glandes, c'est l'hiver. Et des rues glaçantes, des gens crèvent, c'est l'hiver. Et des gouttes sanglantes quotidiennes comme les faits divers. À genoux, personne leur monde de calvaire. Pas besoin de descendre ses pieds sous terre pour connaître l'enfer. Les pessimistes partiront, les optimistes subiront. Mais tous en souffriront, et les rires s'effaceront. Les débris voleront et nos proches périront. Les empires ricaneront et leurs poches se rempliront. Pour se battre, leurs sources de fric ne sont taries. Ils ne font qu'abattre les mains en bourse et pour leur profit. C'est que pour quelques ressources qu'ils enverront nos vies. Car pour eux, c'est la course à la première économie. C'est la fée verte des boulevards, elle rend fou et criminel. Comme des bêtes menaçant l'avenir de notre temps. C'est la fée verte des barbares, pour qui la vie est éternelle. Dieu du mal tout puissant, dans un monde d'or et de sang. C'est la fée verte des boulevards, elle rend fou et criminel. Comme des bêtes menaçant l'avenir de notre temps. C'est la fée verte des barbares, pour qui la vie est éternelle. Dieu du mal tout puissant, dans un monde d'or et de sang. Wow, wow. 8-9-5 Radio Duo et Cafard Moisi en live and direct. Faudrait y mettre un dominateurs. Tous égarcés, la gangrène. Le régime patriarcal conserve des normes sociales inacceptables et si sales. Mais tout ça paraît banal. Faudrait être une belle dame et non pas juste une femme, souvent jugée trop infâme. De la moelle au cervical, l'agression tourne en rond dans les songes et les cauchemars. Dans la gorge bien au fond se cache le nom de ce crevard. C'est fou la culture du viol. N'en touche pas à mon poste, mais touche pas à mon corps. Sinon, car à la riposte, les pubs, les médias, où les arts en font les standards. Des mannequins en vitrine qui ne sont que surface, jusqu'à détester son corps et en devenir barbare. Que ce soit du poids aux poitrines ou bien des fesses aux faces. Profite de l'ivresse, d'un sommeil ou d'une faiblesse. Une caresse criant l'éveil, laissant des traces qui blessent. C'est d'un triste ressenti, toxine qui s'enracine. Faudrait qu'elle l'illumine, mais ça reste dans la rétine. Tant qu'il se la pète en faisant des pompes, on en fera des pompes funèbres. L'oppression ne s'estompe comme une aiguille dans les vertèbres. Et tous ces hommes qui gravent des silences dans les chairs, quand est-ce qu'ils vont finir par devoir payer cher? Pas de tombe, les corps sont sous les décombres. Des tirs de balles en trombe, pas de colombe, que des colons qui plombent. Nombre d'échecs sur l'hécatombe. Les gosses font des prières pour leur mère. Les poumons de poussière mourant dans les bras de leur père. Et c'est le domicile annihile. Des milliers de civils, la terreur règne dans les villes. Sous la furie des bombes. Des tas de personnes parquées, encadrées, rassemblées pour être éliminées et en toute impunité. Destruction des secours, les hôpitaux brûlent toujours. Brasier à l'odeur de fer, chaque jour se réveille un enfer. Votre vie, les bouches sèches, les langues et les pourrèches. Les armes devant les flamèches, tout bête, y'a plus de mèches. Les poings levés devant leurs tanks, appuyant sur la détente. Et un jour coulera le sang entre les yeux des tyrans. Entre les yeux des tyrans. La résistance opère, mais que faire contre ceux qui sont fiers de détenir des armes nucléaires. Ça tire dans toutes les têtes en direct. Le crime et leur dialecte, c'est porte pays que des bêtes. Ils veulent se satisfaire par la guerre. Et pas de militaires dans la plume des cimetières. Régime génocidaire, sanguinaire. Les âmes meurtrières accueillent la guerre à bras ouverts. Tradition de nation, prônant l'éradication de plusieurs populations par leur aucune passion. Les fracas, les crânes d'enfants résonnent dans tout l'Orient. Et les yeux restent fermés sur les couronnes de l'Occident. Leur finance contre des vies, tous les peuples subissent. Y'en a marre de leurs caprices, ne se rendent pas compte du supplice. Torture des corps qui saignent, imprégnés de scènes obscènes. C'est pas de l'histoire ancienne, ah bah l'apartheid. Consomme du contenu qui lui détruira son âme. faisant défiler les vidéos sur Instagram. Comme sa vie défile sous ses yeux après quelques grammes. Si elle veut mourir, la corde au cou, ses derniers mots seront un rictus. Car le cosmos est fou, comme le Big Bang dans ses sinus. Visualise son enterrement, des échymoses jusqu'au plexus. Comme un fœtus en osmose, ne fait qu'un avec ce virus. Des crevasses dans les bras, qui ressemblent à Bételgeuse. Sur la face des dégâts, sous les cernes les joues se creusent. Sa carcasse en éclats, injection intraveineuse. Tout se casse à l'état, et la plaie gangrène son sang et sève. Des craquelures dans tout le corps jusqu'aux viscères. La créature sommeille encore mais dans ses rêves. Elle communique avec la mort, c'est si sévère. Car tout sature, la mandragore se relève. Des craquelures dans tout le corps, ça fout la fièvre. La créature sommeille encore mais dans ses rêves. Elle communique avec la mort, c'est si sévère. La mandragore, convulsion tout se diffuse en direction du bad. Pulsation et se perfuse pour qu'un soir tout s'évade. L'espace et les matières infusent au sein de nervures sodades. Tout ça n'est pas qu'un coup de blouse, mais un système malade. C'est dans ce cerf et crise, c'est intense et viscéral. Douleur vocifératrice, tel le cri d'un animal. Ses paroles provocatrices, de la sève des fleurs du mal. Sur le fruit de ses cicatrices, ancré jusqu'à l'encéphale. Une masse au ventre la brasse, tout son être trépasse. Son mascara, sa carapace, son masque la cache de ses angoisses. De l'embarras et quelques traces, ses fantasques mais elle ramasse. Toute la crasse du passé et ses violences qui tabassent. Arôme qu'étas ou bœuf, elle a eu sa dose. Une rythmique de jazz et le décès s'impose. Des pectases ou d'overdose à l'odeur de rose. C'est dans le gaz, à la suite de la névrose, son sang et sève. Des craquelures dans tout le corps jusqu'aux viscères. La créature sommeille encore mais dans ses rêves. Elle communique avec la mort, c'est si sévère. Car tout sature, la mandragore ne se relève. Des craquelures dans tout le corps, ça fout la fièvre. La créature sommeille encore mais dans ses rêves. Elle communique avec la mort, au fond elle crève. La mandragore, la mandragore, la mandragore. La mandragore, la mandragore, la mandragore, la mandragore. Des faces pour fichage de masse, grimage efficace, image sans trace. C'est parce qu'on a la dalle qu'on rentre dans l'acte illégal. Feu jusqu'à leur pierre tombale, même sans soutien syndical. Enrayage du système, le piratage contre leur règne. Sabotage des grandes enseignes, arrache de cellules qui se saignent. N'oublie pas de boire ta bière dans une bouteille en verre pour en faire un molotov et augmenter ton salaire. Grimage, grabuge, lancez l'émeute générale. Grimage, grabuge et aux armes artisanales. Grimage, grabuge, c'est sûr ça va faire scandale. Grimage, grabuge, mais ça devient vital. Dans les nuages de gaz, camouflage et pillage. Collatéraux sont les dommages, ravagés c'est un carnage. J'ai de projectiles et cavales, quand la cavalerie arrive. Attention petit vandal, la police est agressive. Sous ordre préfectoral, elle utilise des armes létales. Gendarmerie nationale protégeant l'état libéral. Ils tentent l'embuscade quand débarque la cavalcade. Sous l'étendard de leur brigade résonne le son de leurs grenades. Grimage, grabuge, c'est le désordre total. Grimage, grabuge, le mode d'action radical. Grimage, grabuge, dans toutes les capitales. Grimage, grabuge, révolte internationale. Bloquer les chantiers et en faire les ZAD. S'anonymiser et monter les barricades. On débarquera à 6h du mat. Virer les riches de chez eux et en faire des squats. Les capitaux capitulent et les blocs pullulent. Action directe sans scrupule, tournure à ses crapules. Ce soir c'est la fête, collection de leurs cravates. Carnaval de la colère et l'insurrection éclate. Qui frappe entraîne des sanglots jusqu'aux racines. Les gouttes de pluie sur les vitres et des veines qui se dessinent. Les nuages laissent apparaître un fantôme. Sur son corps figure d'hématome. Tous ses vis se précipitent vite dans le précipice. Au fond de certaines iris, c'est un grand vide qui s'immisce. Il n'y a pas de supplice sans des yeux qui se plissent. Sur la peau, les poils s'hérissent. Des suites d'une catharsis. Le cri du vent siffle lors d'un soir de pleine lune. Le froid du givre gifle lors d'une virée nocturne. S'évader dans des rêves de la terre à Saturne. Ne révèle pas de trauma taciturne. Comme une drôle de voix qui résonne au fond de l'urne. Craquage d'une ossature, choc et tout sature. Pur mot d'amour et armature de rature. Il médite, médite, méditer à travers les murs. Un écrivain coloré, caché dans l'ombre. Une grande robe décollant et des esprits sombres. Pas à pas capable de parcourir le monde. Renfermant la rage d'un orage qui gronde. Grande gueule à dire des pensées intenses. Comme un ours qui fuit et s'éteint dans une forêt immense. Face à ce sentiment d'impuissance. Au carré sera le sens. S'en fout des intros, mais pro pour les impros. Son corps repose dans le thème de toutes ses proses. Dernière tentative et partir à la dérive. Avec en mémoire la culture de tous ses livres. Il a écrit, salut mon petit. Garde ta furie, depuis le temps ça commence à faire. Il ferait tout pour sa mère, il disait fait mieux que nous. Voulait transmettre son amour, toujours là pour son prochain. C'est les derniers mots d'un frangin. Il s'est jeté dans le gouffre, comme un gouffre d'enfer. Depuis tout un chaos, les flocons de sang tombent en hiver. Ils s'est jeté dans le gouffre comme un gouffre d'enfer. Depuis tout un chaos, les flocons de sang tombent en hiver. Ils s'est jeté dans le gouffre comme un gouffre d'enfer. Depuis tout un chaos, les flocons de sang tombent en hiver. Ils s'est jeté dans le gouffre comme un gouffre d'enfer. Depuis tout un chaos, les flocons de sang tombent en hiver. Au carré. Au carré. Au carré. Au carré. Au carré. Au carré. Au carré. Au carré. Au carré. Au carré. Au carré. Mais c'est son navire qui chavire. Petit, imagine le pire. Cache des pleurs par un sourire. Sa vision tourne et tangue. Les dents serrées sur la langue. Plus de jeunes désinvolte. Dans la nuit, les phares virevoltent. Se sent vide et vulnérable. Des tourments désagréables. Et la tronche détériorable. Criblé de marques, c'est remarquable. Une aiguille d'un chat errant. Comme une âme solitaire. Et plus rien n'est cohérent dans les couloirs de cette mer. Que sur l'épaule, le petit diable n'est plus seul. Un ange passe, couvert d'un linceul. Face à son miroir, comme s'il menait contre lui-même une battle. Le fight club, coup dans la gueule. J'ai l'écorché vif. Il faut expliquer crispé, crispé positif. Ville chétif, n'est plus créatif. J'en ai maladif. Dans les griffes de la mort à la Sisyphe. Si pensif, c'en est vomitif. Il ressasse des histoires d'amour, mais était-ce romantique? Ou des comédies d'un jour au final achromatique? Il dévie le personnage qu'il imaginait enfant. Mais sans savoir qu'à cet âge, il s'est torturé autant. Il veut voir la vie en rose, mais c'est pas si glamour. L'euthanasie pour faire une pause ou l'amnésie pour plus d'humour. La culpabilité le prend de l'épiderme jusqu'aux organes. Prend sa tête dans tous les sens, mais bordel, sort du crâne, sort du crâne. Seule chose qu'il a taillé, c'était pas la barbe. Toutefois bien décidé, se tailler dans un monde plus arbre. Il a fini trottiné, visage collé au carrelage. Retrouvant une scène de crime à la couleur de la rage. Il a voulu festoyer, c'est devenu macabre. L'alcool l'a foudroyé, l'a noyé, pour parler de marbre. Il ne fait que batailler, ses idées ne veulent se taire. Rassaillé, il est saoulé, l'envie de se foutre en l'air. L'envie de se foutre en l'air, l'envie de se foutre en l'air. L'envie de se foutre en l'air, l'envie de se foutre en l'air. Mais bordel, sort du crâne, sort du crâne. Mais bordel, sort du crâne, sort du crâne. L'envie de se foutre en l'air, l'envie de se foutre en l'air. L'envie de se foutre en l'air, l'envie de se foutre en l'air. Mais bordel, sort du crâne, sort du crâne. Mais bordel, sort du crâne, sort du crâne. Cafard-moisi. Ah. terrible. Ultime victime, c'est terrible. Tir retenti, baratine, veulent nous mettre en sourdine. Adrénaline, c'est sublime. Révolte citadine, anonyme, des vermines anonymes. Elle grouille en ville et se grime contre la machine. Noir textile, 5 agences entre villes. Prendre un pavé comme outil, détruire les vitrines. Vandalisme, jet projectile, invincible, nous serons invincibles. Les ports calcinent dans la bruine, le peuple jubile. Rembobine, saigner les dynasties et préparer la guillotine, ce ne sera pas un crime. Le flotteur a dépassé, il est en bas de chambouler. Bien sur le 895 de Dio, vous écoutez l'un live de Cafard Moisi. Ok. Brûlé par l'idéal, ce grand capital. Faudrait laisser tout brûler. C'est quand les pauvres crèvent que les richesses engraissent. C'est quand nos poings se lèvent qu'il faut briser nos laisses. Ils lâchent leurs chiens armés pour mieux discriminer, pour mieux vous tabasser ou bien vous rabaisser. Roi des comas, roi des traumas, on va vous faire la guérilla. Costard cravate pour les pauvres, c'est leur son qu'il faut répandre. Faudrait brûler les banques et faire péter tous les tanks. Prendre leur tête comme cochonnet et jouer à la pétanque. Brûler le palais des rois, brûler le palais des reines, abat la bourgeoisie, la hiérarchie et tout ce qu'elles entraînent. Brûler le palais des rois, brûler le palais des reines, abat la monarchie, l'oligarchie jusqu'à ce qu'elles saignent. Brûler le palais des rois, brûler le palais des reines, abat la bourgeoisie, la hiérarchie et tout ce qu'elles entraînent. Brûler le palais des rois, brûler le palais des reines, abat la monarchie, l'oligarchie jusqu'à ce qu'elles saignent. Ce grand capital, faudrait laisser tout brûler. Faudrait laisser tout brûler. Brûler le palais idéal, ce grand capital. Un système même désastreux. Pire que les rapports du GIEC est un calamiteux. Ils ne pensent qu'au gros chèque, se laissent pousser des ailes et les médias les aident. Quand il s'agit d'argent, c'est souvent que l'humain cède. Que sur du viol en masse, sur les plateaux télé, c'est se voiler la face, de faire que les écouter. Dans le canal seront jetés leurs tonnes de thunes, leurs tonnes de blé. De canal à OCB, faudrait fumer Bolloré. Brûler le palais des rois, brûler le palais des reines. À bas la bourgeoisie, la hiérarchie et tout ce qu'elles entraînent. Brûler le palais des rois, brûler le palais des reines. À bas la monarchie, l'oligarchie, jusqu'à ce qu'elle saigne. Brûler le palais des rois, brûler le palais des reines. À bas la bourgeoisie, la hiérarchie et tout ce qu'elles entraînent. Brûler le palais des rois, brûler le palais des reines. À bas la monarchie, l'oligarchie, jusqu'à ce qu'elle saigne. Brûler le palais idéal de ces grands capital, brûler le palais idéal de ce grand capital, brûler le palais idéal de ce grand capital, brûler le palais idéal de ce grand capital. Faudrait laisser tout brûler, faudrait laisser tout brûler, brûler le palais idéal de ce grand capital, brûler le palais idéal de ce grand capital, brûler le palais idéal de ce grand capital, brûler le palais idéal de ce grand capital, brûler le palais idéal de ce grand capital, brûler le palais idéal de ce grand capital. Faudrait laisser tout brûler, faudrait laisser tout brûler, brûler le palais idéal de ce grand capital, brûler le palais idéal de ce grand capital. Wow, cafard moisi dans la place. Ok. Et qu'ils aillent tous venir. Leurs idéaux culturels ne comprennent instinctif, pour eux c'est obsessionnel. Ils ne font que jouir dès que c'est conceptuel. Combien d'entre eux ont commis des actes criminels? La merde étalée sur les murs et des planches de charcuterie. Mettons-y un peu de cyanure, que tout flanche sans un bruit. Et toutes ces crevures qui dans leur salle blanche s'empiffrent, se tuent dans leur peinture branchée pour faire du chiffre. Et ils entraînent des casseroles au cul. Tant de mains salies, ils n'auront notre salut. Sois le modèle qu'ils attendent et ils te sauteront dessus. Combien d'œuvres perverties par tous ces faux culs. Tous ces fils et filles donnés d'une cuillère d'argent dans la bouche, qui disent la rue la vraie et en rajoute des couches. Chercher un sens à son art, c'est la seule chose qui les touche. Même leur cracher un molar mériterait quelques retouches. Tu ne connais que la galère et ils te parlent de galerie d'art. Rêve que ton nom fasse carrière, que tu sois les nouvelles stars. N'accepte pas le savoir-faire et que ça leur paraît trop bizarre. Bave d'un succès sur ton art, tel des charognards. Comme une école de marketing, au fond un peu trop bling bling. Blabla pendant les castings, dis au revoir à ton feeling. Les élitistes s'enquillent, les rêves d'esclaves à shooting. As-tu besoin d'un briefing ou d'un trigger warning? Blanc et descendant des plus grands peuples de colons. Une belle bande de ringards qui se prétend écolo. Du jour au lendemain, prêt à changer de propos. Avec des tonnes de camtars qui en coûtent des zéros. Y'a des artistes engagés qui se prennent pour des prolos. Mais y'en a qui savent qu'au fond c'est qu'une belle bande de bobos qui seraient prêts à tout pour un petit bout de promo. Tout le monde sait qu'ils seront les premiers collabos. Conservateurs ou puristes qui font de l'art un nouveau culte. On ira chier sur la Joconde, même si on sera traité d'un culte. Ceux qui pensent qu'enculés ou putes sont encore des insultes subiront bientôt le tumulte de nos supercutes. Ils se vantent à parler d'armes, de sexe, de liasses, de bière. Ça là c'est misogyne, c'est toujours les mêmes sujets. Mais aucun d'entre eux ne vit cette vie, non jamais. Encore moins celui qui a toujours eu ce qu'il voulait. Ton acteur préféré, auteur de ses gestes subis. Tu alimentes tout son fric, peu importe les critiques. Sexisme décomplexé, vengeurs d'armes sont pas comiques. Agresseurs sans poursuite, regard fermé, des fanatiques. Ils veulent atteindre le podium en faisant de l'ego trip. Mais aucun de leurs albums ne nous prend aux tripes. Donnez-leur un peu de sérum, c'est pour l'industrie. Car il leur faut des podiums sans rides pour leurs produits. Nos arrières réutilisent que ce qu'on fait c'est pas de la zik, alors qu'elle est faite à base de sang de leur classique. Hein, c'est nos classiques aussi. On les aime, c'est symbolique, car c'est ça qui compte au final. Et qu'est-ce que ça implique? Y'a pas moins punk qu'un type qui prétend l'être. Hein, des grosses guitares, des kicks, des têtes à crête. Hein, c'est pas ça qui fait le punk, juste une image pour le paraître. Des standards identiques aux clichés qu'on leur prête. Ils se mettent dans des cases en se conformant au style. Les mélanges c'est la base, théorie hybride. Et ces groupes qui avaient la rage sur les scènes alternatives sont tombés dans le formatage de l'engrenage de la machine. Faites à la DIY, que vive la musique libre, qui te prend jusqu'aux entrailles et te rend toujours plus vif. Pagaille, nous sommes la faille qui cherche à survivre. Nous réprime par la flicaille comme ils sont sur certains livres. Et pagaille, la faille qui cherche à survivre. Nous réprime par la flicaille comme ils sont sur certains livres. Et pagaille, la faille qui cherche à survivre. Nous réprime par la flicaille comme ils sont sur certains livres. Et pagaille, la faille qui cherche à survivre. Nous réprime par la flicaille comme ils sont sur certains livres. Pagaille, la faille qui cherche à survivre. Nous réprime par la flicaille comme ils sont sur certains livres. Pagaille. You! Wow. 8, 9, 5, Radio Dio. Radio Dio, Radio Dio, Radio Dio. Enfin, moisi. Ah, tu la vois cassée. Ouais. C'est bien moisi la voix. Ah!